The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To notice. Remarquer. Date. La date. August. Août. Month. Le mois. Year. L'année. Hour. L'heure. To bet. Parier. To hide. Cacher. Digit. Le chiffre. Lucky charm. Le porte-bonheur. Maybe. Peut-être. Superstitious. Superstitieux. Now, a bit faster. Maybe. Peut-être. To notice. Remarquer. Year. L'année. August. Août. Month. Le mois. To bet. Parier. Superstitious. Superstitieux. Hour. L'heure. Month. Le mois. Year. L'année. Digit. Le chiffre. Maybe. Peut-être. Hour. L'heure. To hide. Cacher. To notice. Remarquer. To hide. Cacher. To notice. Remarquer. Digit. Le chiffre. Hour. L'heure. To notice. Remarquer. To hide. Cacher. To notice. Remarquer. Digit. Le chiffre. To notice. Remarquer. August. Août. Maybe. Peut-être. Now, use the words in context. Remarquer. He noticed my new dress. Il a remarqué ma nouvelle robe. Parier. He really likes to bet. Il aime beaucoup parier. Le porte-bonheur. It's my lucky number. C'est mon chiffre porte-bonheur. Superstitieux. He is very superstitious and consults the horoscope often. Il est très superstitieux et consulte l'horoscope souvent. Le chiffre. The number 5 is my favorite. Le chiffre 5 est mon préféré. Remarquez. He noticed my new dress. Il a remarqué ma nouvelle robe. Parier. He really likes to bet. Il aime beaucoup parier. Le chiffre. The number 5 is my favorite. Le chiffre 5 est mon préféré.